L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. À Nancy, découverte d'un programme d'accompagnement qui est lancé cet automne pour aider les entrepreneurs des quartiers prioritaires à développer leur activité. C'est porté par BGE Alsace-Lorraine. Il s'adresse aux jeunes entreprises en quête d'outils, de conseils et de réseaux pour passer un cap. Aurélie Damien, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère formatrice et coordinatrice donc de l'accélérateur Création à Nancy. Un mot déjà pour présenter BGE Alsace-Lorraine, c'est une forme associative. Tout à fait, en fait, c'est une association qui a été créée en 2012, tout d'abord en Alsace, et qui s'est développée au fur et à mesure en Lorraine, donc en 2017, donc ça fait une dizaine d'années qu'on est ici en Lorraine. Et donc c'est un réseau national, hein, il faut le savoir, et qui est à destination de la création et du développement des entreprises, à destination de ceux qui veulent créer leur projet. D'où ce programme aussi que vous venez présenter aujourd'hui, donc l'accélérateur création individuelle. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le programme de l'accélérateur création individuelle, c'est un projet qui a été lancé par le gouvernement en 2023 dans le dispositif Entrepreneuriat Quartier 2030 et qui est porté par BPI France. On a été donc mandaté par BPI France aussi pour développer le programme. C'est un programme qui va être lancé au mois de novembre et qui se déroule sur une période de 12 mois. À destination donc des quartiers prioritaires, c'est Alors, il y a deux critères essentiels pour rentrer dans ce programme-là. C'est le premier, c'est d'être résident ou implanté dans les quartiers prioritaires de la ville et également d'avoir créé son entreprise depuis moins de 3 ans. Est-ce que c'est une première déjà à Nancy, ce programme ? Alors non, c'est la deuxième édition qu'on lance, puisque la première s'est terminée au mois de juin 2025, donc assez récemment. Et là, on lance la deuxième justement, et c'est destiné à une quinzaine d'entrepreneurs, justement pour les accompagner et développer leur entreprise. Ça dure 1 an, une formation ? Qu'est-ce que ça comprend ? Comment ça se passe ? Alors, la formation dure effectivement 12 mois. Alors, dans ces 12 mois-là, on propose 3 éléments essentiels. Le premier, c'est qu'on propose 182 heures de formation collective. On propose une 30aine d'heures de mise en réseau professionnel et une 30aine d'heures de suivi individuel pour chaque entrepreneur qui va venir à cette formation-là. Dans la formation collective, il va y avoir 10aine de modules qui sont proposés à raison donc de 3 jours par mois, 4 au mois de janvier hein, normalement. Et on propose 10aine de modules sur la posture de l'entrepreneur, sur comment élaborer une stratégie commerciale, comment développer sa communication globale mais aussi digitale. Comment aussi faire si on veut recruter quelqu'un, alors pas forcément un salarié, mais ça peut être un stagiaire ou un alternant, il y a des dispositions qui sont à mettre en place. Vous avez aussi des modules sur les statuts juridiques, parce que beaucoup d'entrepreneurs au début en choisissent un, mais ne sont pas forcément adaptés à leur projet, donc on va voir ensemble bah, si c'est vraiment le bon statut ou pas. On va leur proposer aussi d'établir un plan de financement, donc à travers aussi différents experts qui vont intervenir. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir, hein. L'intelligence artificielle, oui. Tout ce qui est environnement, et l'impact de l'entreprise sur son environnement justement, donc il y a vraiment beaucoup de choses. Donc vous l'avez un tout petit peu évoqué, peut-être redire un peu les profils d'entrepreneurs que vous recherchez aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je recherche des entrepreneurs, donc des jeunes entrepreneurs, hein, pas forcément dédiés à l'âge, mais plutôt à la création de l'entreprise, qui sont immatriculés depuis moins de 3 ans. Alors quand je dis moins de 3 ans, ça peut aller de 3 mois, 6 mois, jusqu'à 3 ans. Et qui sont implantés ou résidents en QPV, donc en quartier prioritaire de la ville. Et pour vous contacter, alors comment ça se passe ? Alors, il y a 2 éléments. Soit vous allez sur le site internet, donc bgealsacelorraine.fr. Il y a un onglet qui s'appelle accompagnement formation. Et dans l'accompagnement formation, il y a le dispositif accélérateur création individuelle. Ou alors plus simple, si vous ne voulez pas chercher dans le site, vous tapez sur Google accélérateur création individuelle Nancy. Vous tombez sur le site. Ou alors, troisième chose, vous m'appelez au 03 51 25 10 59. Voilà, des coordonnées qu'on vous retrouverez également sur le site internet de la radio avec ce podcast. Ce n'est pas la première fois qu'un programme comme celui-ci est proposé. Quel retour vous avez pu avoir des précédents entrepreneurs qui sont passés par vous ? Alors, il y a eu plusieurs choses qui se sont déroulées la dernière fois lors de notre ancien programme. Par exemple, on a eu un entrepreneur qui n'avait pas du tout confiance en lui au départ et qui finalement s'est avéré beaucoup plus confiant à la fin lors de la présentation de son projet devant des financeurs. Il y a une autre entreprise qui s'est dit « bon bah j'ai peut-être pas choisi le bon statut juridique, donc je vais peut-être me repencher sur la question et voir celui qui est le plus adapté à mon projet ». Et on a eu une autre entreprise aussi qui s'est rendu compte qu'elle ne communiquait pas assez sur les réseaux sociaux et qui va vraiment s'y pencher pour se développer. Je vous laisse peut-être le dernier mot, peut-être un argument pour inciter peut-être des jeunes entrepreneurs qui nous écouteraient, qui seraient évidemment en quartier prioritaire, eh bien, à se lancer et à vous contacter. Alors moi, je vous invite vraiment à me contacter parce que c'est une réelle opportunité de développer l'entreprise, de voir un petit peu quelles sont les compétences que vous avez, celles que vous n'avez pas, celles que vous pouvez développer. Et sachez que c'est 100% pris en charge. Donc c'est gratuit, c'est une belle opportunité à ne pas rater. Je vous laisse redonner le numéro. Oui, donc ce sera le 03 51 25 10 et 59. Merci beaucoup. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.